soir d'un soir tu oublies l'homme qui est dans ta vie. Je sais tout le mal que ça peut faire d'être à ce point trahi, d'aimer et tout donner et se sentir si fragile. Je l'imaginais un jour être la femme qui porte mon nom et que de cet amour naîtrait de si beaux enfants. Crois-moi, tu vivras ça un jour. Celle qui te comblera toujours. Tu mérites tellement d'amour. Je t'en prie, ne perds pas espoir. Oui, l'amour, mon père est. Mais pour toujours nous faire nous. Même si aucun doute a pour toi toujours créer l'amour. Oui, l'amour, mon père est. Il faut toujours nous faire nous. Même si aucun doute a pour toi toujours créer. Moi, ça fait qu'il en fait que j'en détruis.